Gentil, encore osé. Vous voulez parler au big boss, c'est fait. Alors maintenant, tu vas négocier avec moi. Et moi seul. C'est ça ou rien. Hey, réunion de toi et moi, on passe un deal secret. Je veux 20%. Et tu devras obligatoirement passer par moi. Et personne d'autre. Quand j'ai les crocs, je prends la GoPro pour un Twitch. Sans les kicks, sans les crudités, sans crudité, dont je kick sans manger les mots, descend de gros deal à 800. Livide sans le vif, sans bon crudité, des bits sans vissant, glisser dans le vide. C'est flic dans la nudité pour en goûter ma bite sans stick plat, c'est sous la bite sur le beat sans moins 840, on habite là. Cabote, on abrite dans un e-spack noir. Visite chaque square, il roule un spliff chaque soir. Tu peux vite rasseoir, je blinderai mon beat trois fois. Si l'oasis ma foi, si je quitte ta soif. Passez-moi ce mic vite fait, c'est tout ce qu'il me faut car j'ai la leuda. Mais pas besoin d'une info à portée de meuda. Juste pour info, j'ai le remède à vos soucis. J'suis d'humeur généreuse, ce sera gratuit pour ce coup-ci. Mais faut pas rêver, discromis le groupe bicaméral. Veut s'emparer de l'hexagone avec une caméra DV. Tout le monde convoite le même trident. Amour, gloire et beauté si t'es prudent. La spirale attends-toi à des cris stridents. Mes strips, mes poétiques, j'viens déposer la bombe des bioéthiques. Dans tous vos districts, nauséabond 9-2. Buvez nos paroles comme du pilet. On espère faire la maille en passant entre les mailles du filet. Dans le trône, si tu me passes un plan. Moi je suis un saltimbanque, éclate tympan. Passe-moi un calque, j'incante les esprits de la réplique. Stick me, invente de nouveaux lyrics qui te niquent. Sismique secousse, les petites bitches se poussent. Se couche, serre pas comme les beatniks. Je goume les skills, mes skins. Mystique, qui mixe plus physique. Kick et speed, si t'es type hésité. J'ai niqué vite, fait le beat dans Kixi. Je fais pas de détails au micro, je lâche que des kilos de phase. Trop de baffes dans le même 16 et plus qu'au paralèse, mec. Je lâche des gold au texte. Je viens kicker dans okay. Kick, c'est KRF, fallait pas l'inviter. Yo, arrête mon rap car je ne fais que d'arter mon art. Toi et tes tocards, part des connards. Du sommet, pas s'y mettre et fasciné. Tu ne peux que vaciller et dire si mère à chaque sonnet. One shot comme Vassili. J'ai un temps d'avance dans la danse. Je sens la chance quand j'avance dans la France. Immersion dans le monde, diversion. Je lâche diversion dans le gouffre. J'ouvre le feu avec un texte big version. Tu t'y perds, tange tout. Souffle un peu et roule un pet. Alter ego, déboule un pec. Pour les foules intègres, tous les jours j'imprègne. Tous les jours, je viens scred. Face de luxe et Doc X, insolent talent de fou avec. Tous les jours se ressemblent, la galère prend un grand G. Mon rap un globe dans ta chape qui stimulerait ton point G. Mes rimes sont échos des coups de basse. 92 au scène, c'est danger. Qui veut nous abattre, on s'invite chez toi pour venir manger. Réunion de dalleux, j'entends tout le monde qui râle. La verte se dégrade et le vert laisse nos grammes. C'est grave, alors ici on improvise. Tu connais ma devise, c'est bouge puis avise. C'est comme que l'on attise, brûle la cadence. Entre les porcs qui verbalisent et le trop grand nombre de balances. Mais le minou vise, nous on a rempli nos chargeurs. Notre art on le maîtrise, c'est mon 92 dealer. Réunis pour un contrat, toute la table. Gros bras, ambiance dalleuse, essaye pas de cacher les coca. La bave sur les crocs, c'est pour mieux tailler l'impro. La taf de trop et ça part casser un métro. Zer corde à mon mic, terrain de jeu c'est l'arnaque. Un beat qu'on le claque, qu'elle nous sort que la night. Tu veux ma plaque, vas-y creuse dans le sous-marin. Mais n'oublie pas que c'est la haine qui nous réveille le matin. Écoute gamin, j'ai pas le temps de t'expliquer. On a signé, y'a une prod à Kéo à kicker. Dès qu'ils se répètent pour ceux qu'on suivit. Nos têtes sont mises à prix, j'accepte et valide. Moi une loi sans retrait, putain je kick ça. Suite aux affrontements lyrical de ma petite famille. Passe tout mon time à peloter des 1. Fais à reluquer les dames d'aller du mic, on te l'a bien mis. L.E.H. installe un couvert de plus. Nous on ride pas, on graille 92, marché au puce. J'ai trop la dalle, courez vite, appelez Coluche. Tu kiffes, caler ton cul sur ma zik en étant Yves. Va les temps qui courent, keep cool. Reste dans l'équipe, soulève pendant qu'il est temps d'attraper le bus. 92 MC d'allure autour du buffet. On court après les fous, d'empoigne les bouffons et les plus verts. Vertigus, on vient de l'essai, y'a pas de lézard. On galère pas, que souillez pas, on a la comme d'hab, c'est là, faut qu'il laisse. Laisse passer l'orage, mec, passe-moi le mic. Et casse-toi de MySpace, tu fais pas le poids, eh. Lèche pas mes Nike, RTS, pas mes gars. Mercedes, tes menaces sur ma tête, on est al. C'est la tête des nœuds, cher. Tu veux mon steak, garde la pêche. Moi, je fais mon jazz et les bras. Lève, j'ai tellement la dalle, frère, que même en lada. Je baisse 92 bled, on t'attend là-bas. Ouais, on détruit la traque. En 2-2, on séduit ta femme. Au fond, c'est du tapage. J'ai dit que t'as pas, trouve 10 dollars. Check. Les gros, j'ai un petit creux. Je viens qu'est gros l'instru en un croc. Qui l'aurait cru en chromi, négro, que j'aurais autant les crocs. Un coup de chromi au MC qui croit qu'ils auront ma gamelle. Pour tous les vrais qui savent que TITO vient de la garelle. J'armeur d'une oreille sur la rue. Et l'autre, c'est pour les deux pros. C'est le bédaveur d'instru. Et à force de m'effuger les crocs. Un certain goût pour la rue, mais ça se ressent dans tous mes textes. Viens pas me serrer la patte si t'es venu pour me voler mes recettes. Faut pas les couilles du showbiz, de tout ce que les gens disent. Y'en a qui graillent ma part et ça dans ma zone de chalandise. 92 à 4C, une casse-tête pour mes grailleurs. T'inquiète, surveille mes arrières ainsi que mon goûter de cadre. Ramène à grailleur, un acquiescro. À Marc, on a trop l'écro, je mets la tate pas pour mes négros. Pour mes couilles, les slaves, rien que plus à nos abords. Et tu risques les scars, man, tu risques les cars. Écarte ton concu dans mon escale. Mes skins, tu t'exclames chaque fois que je fais mon spectacle. Laisse faire les bestes, arrête de me cesse large, j'ai ma veste. Garde la tête, t'es le H, t'écouteras sur technique sous Vestax. Je suis pressé dans ton déslave. On a déjà le filon, 92 marques là, à chaque occasion, faut que nous brillions. Nous crions dans le mic tandis que les imposteurs nous fuyons. Crions dans le mic tandis que les imposteurs nous fuyons. Magique, on m'appelle pour un plan, je réapplique. Peu importe le thème, j'en ai rien à foutre, je m'applique. Le CSA m'implique. Fallait pas inviter Mets 6, l'homme aux mille faces rempli de répliques. Ton assiette, je la pique, la deuxième, je la repique. J'avance déjà pour la troisième, t'es encore en mode repeat. Bienvenue dans le monde des dalleux de la table ronde où chez les cannibales ils ne connaissent pas le micro-ondes. C'est du cru, range ta poêle. Allez vous planquer car le plancher perd ses dalles. Grailleur d'instrumental, la salle va finir à poil. J'ai faim, je fais le perse. Désolé mec ton, si je te laisse que la moelle. Micro à chef, tranche comme la machette. Bouffe pas dans mon assiette, je te plante ma fourchette. Métal part sur le beat avec le big beat. Balance les royalties, sur ma team faut que tu mises. MC, ici, si t'as pas les crocs, t'as pas ta place, on tabasse et t'écrase comme un mégo. Fracasse, en égo, sur la basse, on zépo. Zappelé ta silicone et pour kicker illico. Grailleur, venu foutre le fire. À domicile à l'extérieur, tu donnes toujours le meilleur. C'est pour nos supports, terre, black robe et tout bas. 9, 2, C2, marque là que tout bas. Dans 92 départements. Ah. Quelle merde. Ça c'est ce que j'appelle de la bonne, mon vieux. La vraie dynamite. Ça aurait même c'était plus que ça. C'était la mixtape échantillon. Corrosif volume 1. Mixé par Fixeur. Et scratché par DJ Céleste. Et réalisé par Nervi. Et produit par Corpla. Échantillon corrosif. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir écouté la mixtape.